Bien le bonsoir dans cette deuxième partie du Monde est en village. Ça s'appelle Réseau Radio, c'est servi chaque mercredi entre 20 et 21h. Et c'est un coin ibérique que nous avons à vous soumettre ce soir dans notre Réseau Radio. C'est depuis Madrid qu'un duo de passionnés d'Espagne et de Portugal compose régulièrement pour le Monde est en village une proposition radiophonique mettant en scène à l'honneur des chanteuses, des chanteurs, des musiciens, des musiciennes espagnoles et portugais. Araceli Tzigane et Juan Antonio Vázquez sont toujours à l'affût de production originale, neuve et utile. Ils en ont repéré quelques-unes à savourer dans Le Monde est en village et son réseau radio jusqu'à 21h. Direction le sud, un sud chatoyant, intéressant et touchant. Nous aurons par exemple l'occasion de découvrir le travail d'un musicien qui s'appelle Eliseo Parra. Ça doit vous rappeler quelque chose. Le coin ibérique. El rincón ibérico. O recanto ibérico. El racó ibérico. Iberiar socua. El Requeixo Ibérico. O Cantón Ibérico. Una producción de... Une production de... Mundofonías. Pour... Para... Le Monde est un village. Hola. Bonjour. Aquí estamos una vez más desde Madrid, el equipo de Mundofonías, un programa que realizamos en Radio Exterior de Radio Nacional de España. Y empezamos este Le Coin Ibérique, el Rincón Ibérico, con un grupo formado por músicos de España, de Nigeria, de Italia y de Túnez. Ellos son Synups, un grupo liderado por Pablo Hernández, en el que también destaca el violín del tunecino Larvi Sassi. Bienvenue sur ce nouveau Coin Ibérique, el Rincón Ibérico, la colaboración que l'équipe de Mundofonías, Radio Exterior, Radio Nacional de España, vous offre depuis Madrid concernant les musiques ibériques. Des musiques nouvelles, vieilles, éternelles, pures et métisses. On commence avec ces groupes de musiciens espagnols, italiens, nigériens et tunisiens. Synups. Thank you. Sinuj veut dire en arabe tunisien cumin noir. Et c'est le nom de ce groupe animé par le saxophoniste Pablo Hernandez et avec des musiciens comme le violoniste tunisien Larbi Sassi. Il mélange le jazz avec les musiques du nord de l'Afrique, l'afrobeat et d'autres épices dans son nouveau disque Ouere. C'était la chanson qu'il ouvrait et qui ouvrait aussi ce coin ibérique, el rincón ibérico, Nahua Party. Seguimos ahora con el mentor de Pablo Hernández de Sinus, con Jorge Pardo, ese saxofonista y flautista de referencia en el mundo de la fusión del flamenco con el jazz. Su último disco es Huellas y escuchamos Al despertar. Thank you. Voilà la flûte du flûtiste et saxophoniste Jorge Pardo, promoteur d'une bonne partie des plus intéressantes fusions musicaux des dernières années et décades à l'Espagne. Ici, dans son nouveau double disque, Huellas, Traces, avec la fine fleur du jazz, du flamenco et d'autres styles. Cette pièce était Al despertar, au réveil. Continuamos en Le Coin Ibérique, El Rincón Ibérico, con otro artista que es también una referencia, con Eliseo Parra, en este caso en el disco de Coetus, esta orquesta de percusiones ibéricas liderada por Aleix Tobias, pero que tiene muy presente la voz de Eliseo. Hemos elegido un canto de siega de las Islas Canarias, Anda Sol y Ponte Luego. On a continué avec cet ensemble de percussions ibériques, Coetus, depuis la Catalogne, avec le chanteur castillan Eliseo Parra, et une pièce traditionnelle des îles Canaries, Anda Sol y Ponte Luego. C'est le deuxième disque de Coetus, Entre Tierras, Parmi Terre. Seguimos en Le Coin Ibérique, el Rincón Ibérico, esta colaboración del equipo de Mundofonías con músicas de la península ibérica. Y seguimos con flamenco, aunque también tenemos presente a Eliseo Parra, en este caso con las percusiones, en un disco que firma el cantaor Rafael Jiménez Falo, asturiano de procedencia. Y el disco se abre con este palo, La Montañesa, que aparentemente es originario de la zona de donde es el de Asturias, en el norte de España. Lleva por nombre La Nieve y la Rosa y el disco es El Cante Flamenco en Movimiento. C'était le chanteur, le cantaor flamenco Rafael Jiménez, El Falo. Et si nous écoutions la voix d'Eliseo Parra dans le disque antérieur, celle de Coetus, nous écoutons Eliseo aussi dans cette pièce en jouant la percussion. C'était une montagnesa, un genre du flamenco presque oublié, dont ses racines nous emportent vers les Asturies, d'où El Falo vient. De un cantador flamenco asturiano vamos a escuchar ahora a un grupo asturiano de folk, aunque tiene un componente bastante original, en Michael Lee Wolf, este artista de origen en Estados Unidos. Son la Asturiana Mining Company. Su último disco es Sones por Berto Velasco y vamos a escuchar una canción muy, muy conocida y muy presente en muchas regiones de España y también de Portugal, Carolina, y oímos la voz de Berto Varillas. El mandil de Carolina tiene un yagartú pintado. Cuando Carolina baila, el yagartú mene al rabo. Bailaste, Carolina, baile, sí señor. Dime con quién bailaste, baile con meu amor. Baile con meu amor, baile con meu amor. Bailaste, Carolina, baile, sí señor. El zapato pide media, la media pide zapato. Una mociquina guapa también pide un chaval guapo. Bailaste, Carolina, baile, sí señor. Dime con quién bailaste, baile con meu amor. Baile con meu amor, baile con meu amor. Bailaste, Carolina, baile, sí señor. Señor, cuando canta, mete el rabo una silveira. También yo lo metería en una chica solteira. Bailaste, Carolina, baile, sí señor. Dime con quién bailaste, baile con meu amor. Baile con meu amor, baile con meu amor. Bailaste, Carolina, baile, sí señor. Bailaste, Carolina, baile, sí señor. Dime con quién bailaste. Baile con meu amor. Baile con meu amor. Baile con meu amor. Bailaste, Carolina. Baile, sí señor. Et après un chanteur flamenco asturien, El Falo, un groupe folk asturien, Asturiana Mining Company, avec un membre nord-américain, Michael Lee Wolf, et la voix, la flûte et la cornemuse de Berto Varillas. Et c'était Carolina, une chanson très populaire à la Galice et au Portugal, et aussi aux régions voisines. Vous écoutez Le Coin Ibérique, El Rincón Ibérico, une émission produite par l'équipe de Mundofonías pour le réseau radio du Monde est un village. Vous avez tous les noms de ces artistes, chansons et disques sur notre site web, mundofonías.com. Mundofonías s'écrit avec F. Como ya sabéis, Portugal está también presente aquí en Le Coin Ibérique, El Rincón Ibérico. Y en esta edición nos traemos al grupo Monte Lunay con su disco Intemporal, su segundo disco que recoge temas de diversas procedencias, como por ejemplo este que es tradicional portugués, Paso Dobrado. Mundofonias, Araceli Tzigane et Juan Antonio Vázquez, que nous avançons ce soir vers vous, vers la nuit aussi, avec cette proposition réalisée depuis Madrid. Ça s'appelle Le Coin Ibérique et qui fait la part belle à des productions espagnoles et portugaises. À la fin de l'émission, je vous dis déjà qu'il y aura de la musique indienne avec des musiciens israéliens et originaires de Singapour qui habitent l'Espagne. On a voyagé jusqu'au Portugal avec plus de cornemuse et ce groupe de musique et danse du monde, spécialement de l'Europe. Monte Lunai, dans son nouvel album Intemporal. Cette pièce venait de la région de Coimbra, Paso do Brado. Pas double. Otra propuesta portuguesa que traemos en este Le Coin Ibérique es el grupo Diabo A7, con la voz y la zanfona de Julieta Silva, que ya es vieja conocida nuestra. De hecho, uno de los temas que abre siempre este Le Coin Ibérique es del grupo anterior de Julieta, Chuchurumel, y ahora junto con sus compañeros de Diabo A7 presenta este segundo disco del grupo Tarara, del que escuchamos el tema Canto das Virgens Provisorias. Canto de las Vírgenes Provisionales. Voilà une autre proposition très intéressante qui vient du Portugal, Diabo A7. Cette musicienne est parmi eux Julieta Silva, chanteuse et joueuse de vielle à roue et d'accordéon. De fait, elle joue l'accordéon qu'on écoute au début de tout le coin ibérique avec son ancien projet Chuchulumel qui partageait avec César Prata. Mais ce que nous écoutions était Diabo a Sete, son disque Tarara et la chanson Canto das Virgens Provisorias, chant des Vierges Provisoires. Continuamos ahora con Maut, un grupo de Aragón que combina música tradicional con un toque eléctrico y rockero, bastante original. Vamos a escuchar un tema de su disco 1.0 llamado Alana del Boc. Thank you. musique de l'Aragon avec esprit contemporain. Ils étaient Maout et son disque 1.0, duquel nous avons choisi cette Alana del Boc. Desde Zaragoza vamos al País Vasco para escuchar el regreso de un mítico grupo vasco, Gambara. Su regreso lleva por nombre Egunto Batez y hemos elegido el tema Irumugarrieta. Et c'était Gambara, le retour d'un des groupes classiques du folk du Pays Basque, avec son disque Egunto Batez et une pièce instrumentale, Irumugarrieta. Le Cuen Ibérique, el Rincón Ibérico, tiene que irse despidiendo. Ha sido un placer volver por aquí, por las ondas de Le Monetan Village. Ya sabéis que podéis contactarnos cuando queráis en mundofonias@rtv.es y también tenéis disponible la web de nuestro programa Mundofonías en mundofonías.com. Vamos a acabar con un encuentro de un artista de Singapur con uno de Israel ocurrido aquí en tierras ibéricas. Ellos son Ido Segal y Nanta Kumar. Hacen música india desde aquí, desde el sur de Europa. El disco se llama Anushan y el tema que hemos seleccionado para vosotros es Shivaranjani. C'était Le Coin Ibérique, El Rincón Ibérico. Cette collaboration de l'émission Mundofonías, Radio Exterior, Radio Nacional de l'Espagne. Pour nos amis de la Belgique, vous pouvez visiter notre site web mundofonias.com où vous trouverez tous les noms des artistes, des disques et des chansons qu'on a joués. Et aussi nous écrire à mundofonias@rtve.es. On va finir avec un musicien israélien Ido Segal qui joue la Hansa Vina, une guitare indienne, et Nanda Kumar du Singapour, mais aux racines du sud de l'Inde, et joueur de tabla. Ils habitent et ils se sont rencontrés à l'Espagne. Avec leur musique, nous vous disons à bientôt. Hasta pronto. Salut. C'est avec cette ultime musique que nous allons prendre congé de vous ce soir. Demain, dans Le Monde est en Village, à 19h, il y aura des orchestres de différents pays, de différents continents. Et puis, nous aurons un live aussi avec la formation française La Gargote pour participer à nos lives. Lapremière.be. Bonne suite de soirée sur La Première. On se fait un plaisir de vous retrouver, de croiser votre chemin. Demain, 19h10, à bientôt.